Les presses sud-coréennes comme Midi Onul révèlent successivement que Park Geun-hye est déjà à l'âge d'une vingtaine d'années où elle se conduisait comme une première dame après la mort de sa mère, avait des rapports immoraux avec le vieux pasteur Choi Tae-min, 40 ans plus âgé qu'elle, sous prétexte des activités sociales, ce qui était l'objet de critiques de tout le monde. Par ailleurs, tous les milieux sud-coréens et même les presses étrangères se moquent du libertinage de Park Geun-hye.